donc un peu les filles. Allez, vous arrêtez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de Érigé et dans l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h à minuit, ici sur Érigé 90.7 et aussi erigfm.fr sur Internet. Cette émission aussi, vous la retrouvez en podcast, en gros, dès le lendemain, hein, sur tous les bons, les bonnes vieilles plateformes des podcasts vieilles, pas tant que ça. Et aussi, en même temps, cette émission sera en rediffusion sur la radio web 100% Johnny. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir en ce mercredi 14 avril 2021, oui, en cas de rediffusion, on ne sait jamais. Et ce soir, je vous ai proposé un petit album de la semaine qui est Drôle de métier, sorti le 24 février 1984, ou alors on peut dire qu'il est sorti le 30 mars 1984. Mais pourquoi ? Mais vous allez le savoir de suite, c'est l'album Drôle de métier. Drôle de métier qui est le 32e album de Johnny Hallyday, réalisé par Pierre Billon chez Philips, hein, encore à l'époque. Et le disque précédent, Entre violence et violon, marquait le retour de Johnny Hallyday en studio à Nashville. L'album est enregistré au studio Sound Emporium Studio et marque les retrouvailles de Johnny Hallyday et Charlie McCoy, l'harmoniciste d'Elvis Presley, qui l'accompagnait déjà en 1962 sur l'album Sings America's Rockin' Hits. Maintenant, il dirige aussi les musiciens. Les différentes sessions d'enregistrement ont eu lieu en mars, avril, mai et juillet 83, au cours desquelles Johnny Hallyday enregistra 37 chansons. Il était un temps question de faire un double album, on parle toujours de l'album Entre violence et violon, mais l'idée a été abandonnée en cours de réalisation. De ce fait, plusieurs titres restèrent inédits durant plusieurs années. 10 des 37 titres enregistrés forment l'album Entre violence et violon, 10 autres titres sont destinés à l'album Drôle de métier, auxquels viendront s'ajouter 2 autres morceaux enregistrés en janvier 84 lors de nouvelles sessions à Nashville. 6 autres enregistrés en anglais sont diffusés sur l'album en VO et un titre l'est sur l'album spécial Enfants du rock. Les 10 titres demeurant inédits sont pour la première fois diffusés en 1993 à l'occasion de la sortie de l'intégrale à la Johnny Hallyday Collection de 40 CD, 7 sur le CD numéro 25, et les 3 derniers originellement prévus pour l'album Drôle de métier sont proposés sur le CD numéro 26 de la dite intégrale. Drôle de métier donc est la 7e réalisation de Pierre Billon pour Johnny Hallyday, et cet album est sorti le 24 février 84, du moins le coffret Nashville 84 présente les albums Drôle de métier et spécial Enfant du rock qui sortent individuellement le 30 mars 84. Les 2 opus sont également partiellement publiés sur le Johnny Hallyday 84 en direct et en studio. Drôle de métier pour les enfants du rock qui inclut 11 titres de l'album Drôle de métier et 5 de l'album spécial Enfant du rock. Ah oui. Ça fait beaucoup de répétitions tout ça. Il a été extrait de cet album Drôle de métier les 45 tours suivants, hein, le 20 mars 84 Mon petit loup, hein, avec en face B Casualty of Love, la reprise de Vertige de l'amour de Alain Bachung, et en juin 84 est sorti Drôle de métier avec en face B Blue Suede Shoes. Mais c'est de suite le titre phare de l'album, on va dire, hein, Mon petit loup, qu'on écoute tout de suite sur l'antenne de RIG, et accrochez-vous pour plus de 2 heures d'émission. Ouais. Mais surtout pas de soupe. 3 accords de blues et ça devient du rock. quand les gros qui rigolent. Mon petit loup est la reprise donc de Betty is Getting Out Tonight, une reprise d'une chanson de Bob Seger. Et au long de la soirée, hein, on va avoir un petit documentaire. Hein, c'était RTL qui offrit à partir du 23 janvier 84 une émission Mon Amérique à moi en direct de Nashville dans l'émission Challenger présentée par Julien Lepers. Et tous les soirs vers 19h, avant la sortie de l'album, on découvrait des extraits de nouveaux titres et des interviews de Johnny racontant son séjour américain. L'émission rencontra un vif succès et se prolonge jusqu'au 3 février. Donc nous allons écouter des extraits de cette émission tout au long de cette émission, de mon émission, ainsi que des extraits d'interviews de l'émission spéciale Go Johnny Go, les enfants du rock, diffusée le 10 mars 1984 sur Antenne 2. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Mon prénom c'est Jean-Philippe Smet, né de père belge et de mère parisienne. Tout le monde connaît mon histoire. Selon, je l'ai repris de Billy Holiday, qui était danseur, et j'ai voulu le mériter, je l'ai gagné ce nom. Je suis français, j'ai fait partie d'une France à une époque où on pouvait encore rêver. On pouvait encore rêver d'être quelque chose, d'être quelqu'un, et je suis arrivé à être quelqu'un. Mon fils s'appelle Smet, il faut qu'il mérite de s'appeler Holiday. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Été 84, aux côtés de ton pote, Sam Bernett, tu animais une émission qui s'appelait Sunday Rock, dans ce grand studio. J'avais fait une série d'émissions où j'avais invité des tas de chanteurs, ouais, des tas d'amis de ce métier. C'était des beaux souvenirs. Ouais. Sunday Rock sur RTL. Jolie Sarah, combien de temps encore? Oh, oh, ma jolie Sarah, attendrai-je ton corps? Chaque distance et tout casse et tout passe et tout lâche. Vous avez eu un court extrait de Hommage au Lisa. Voici l'intégralité. C'était en 1984, été 84. On l'écoutait le dimanche. Sunday Rock, John Hayday et Sam Bernett. Thank you. Sunday Rock. On aura d'autres extraits au cours de cette émission. Et puis, si vous attendez un jour à voir apparaître dans une, je sais pas, hein, dans un livre disque de Johnny Hallyday des Sunday Rock, ne vous y attendez pas, car RTL a perdu toutes les bandes des Sunday Rock. Pour vous dire un peu, c'est Laurent Marsic qui un jour avait vu que j'avais fait une émission sur le Sunday Rock. Il m'a dit, attention, hein, t'as pas le droit de faire ça, parce que ça, c'est encore la propriété de RTL, hein, il m'a dit. Et je lui ai dit, oh, pardon, pardon, je suis désolé. Mais par contre, tu peux me filer les enregistrements, à moi et ainsi, parce que Sam Bernet a tout perdu lui aussi. Il a aucun souvenir, enfin, du moins, il a aucune archive de ce Sunday Rock. Est-ce que tu peux me les filer? Comme ça aussi, je lui transmets. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Je les ai filés. Et donc, en même temps, j'ai cette information comme quoi ils ont tout effacé. Ils ont tout perdu des Sunday Rock. On n'a que ces petits extraits-là. Le court extrait qu'on a entendu de Ma Jolie Sarah, je ne sais pas comment ils l'ont eu. Voilà. Ou sinon, ils l'ont perdu juste après. Et puis, maintenant, on a uniquement ces petits Sunday Rock comme ça qu'on va redécouvrir au long de cette soirée. Album de la semaine, c'est Drôle de métier, sorti le 30 mars 1984 ou avec le en coffret le 24 février 84. On retrouve Johnny Hallyday dans Challenger. Pourquoi Nashville? Eh bien, Nashville, aux États-Unis, si on n'est rien, on a la possibilité de rêver de pouvoir être quelqu'un. Suspendu au téléphone à faire ton numéro. Tu t'écoutes dire du vent, tu n'entends plus personne. Tu fais les deux voix dans le duo. Ouais, toi, tais-toi. J'ai des choses à te dire à mon tour. Toi, tais-toi. Je ne suis pas la cinquième roue de l'amour. Et puis toi, j'ai sorti des mots. Des mots qui pourraient te faire mal. Des mots chauds comme la guerre et froid comme un poignard. Et ça ne sera pas non. Ça ne sera pas dans le journal. Tu fais la gueule du cas. Prénom résonne qui ne soit pas le tien. T'as changé mes fréquences. T'as même dressé la terre bonne. À dire de l'air à mes copains. Oui, toi, tais-toi. J'ai des choses à te dire à mon tour. Toi, tais-toi. Je ne suis pas la cinquième roue de l'amour. Depuis toi, avant toi, il y a eu Jéricho. Je peux briser ton mur de bris. Je peux la démolir, la chambre d'écho où tu t'engueules. Vis-à-vis de mes fans, je ne veux pas donner l'impression d'avoir trahi ce que je fais. Ils m'ont aimé au départ, ils m'ont aimé pour quelque chose que je leur ai donné, c'est-à-dire un style de musique dans la pureté. de la musique. Je ne veux pas tomber. C'est pour ça que je suis content de faire cette émission. C'est que pour moi, ça me permet de remettre les pendules en place. Ou à l'heure, comme on dit. C'est-à-dire de revenir dans ce que j'ai toujours fait. De redevenir le puriste que j'étais. Je veux éviter d'être un chanteur de variété. Quand on me dit que je suis un chanteur de variété, ça me vexe beaucoup. Parce que pour moi, c'est pas la musique que j'aime. Si un jour je dois pour survivre, après cette année 84, je ne sais pas, ça peut être dans 5 ans, dans 6 ans, si pour survivre je dois faire ou refaire de la variété, comme j'ai fait de temps en temps, eh ben je préfère baisser mon froc et je préfère arrêter. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai décidé de rester dans ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire dans ce que j'ai toujours aimé. Quoi. Personnellement, je suis toujours considéré comme un rocker. C'est-à-dire même quand il y a eu des écarts. Dans la tête, j'ai toujours été, de toute façon. Mais c'est difficile toujours de rester le numéro un et de chanter tout il faut dire. Parce que les générations changent, parce que les mômes, des fois, ils aiment ce qui arrive, les nouveaux sons, ils aiment le disco, ils aiment les trucs. Bon, ben, il se trouve que maintenant, les mômes d'aujourd'hui, ils aiment de nouveau le rock'n'roll, et c'est bien. C'est bien parce que ça me permet, moi, de refaire exactement ce que j'ai toujours aimé faire et ce que je fais le mieux. Parce que finalement, ce que moi, je fais le mieux, c'est le country music et le rock'n'roll. Comme dirait notre ami Dick Rivers ou Eddie Mitchell. Je n'ai pas le genre à garder la peau. Je n'ai pas le profil. Fanatique de trop à nos drôles. Mais c'est pas vraiment tout à fait mon style. Je suis pas genre envoyé à Guillemot les chansons si rose. Et ça me met le moral à zéro. Moi j'aime la musique qui tape du pied quand elle fait danser. Une des premières chansons que j'ai enregistrées, c'était Le Petit Clown de mon cœur. Et c'était une version de Cathy's Clown, qui était une version des Everly Brothers. Et pour moi, de chanter avec Don Everly, ça a été un grand panard, si on peut dire, parce que D'abord parce que j'ai beaucoup de respect et parce que, et qu'ils aient accepté de chanter avec moi alors qu'on ne se connaissait pas du tout, Nashville Blues. Et l'émission Johnny de A à Z ici hein, sur l'antenne de RIG bien entendu, et l'album de la semaine est Drôle de Métier, sorti le 24 février, du moins le coffret hein, avec l'album Drôle de Métier et l'album Les Enfants du Rock, et l'album Drôle de Métier sorti à part le 30 mars 1984. Et au tout cours de cette soirée, on va écouter les extraits de l'émission, des interviews qu'a donné Johnny Day à RTL hein, dans l'émission Challenger présentée par Julien Lepers, et en voici une autre avec une de la chanson La Tournée. Et La Tournée, et tout à l'heure on parle sur Facebook de Eric Bois. Oui, Eric Boide, sur la tournée, a écrit les paroles de ce titre-là. Eh bien, le mythe de Nashville, c'est venu parce que, d'abord, Elvis Presley a commencé à enregistrer Nashville. Tous les chanteurs de rock'n'roll sont venus du country music, que ce soit Jerry Lee Lewis, Fleabody Brothers. Ce mélange de country music et de gospel est devenu du rock'n'roll. Eddie Mitchell a donné d'ailleurs un jour une très belle version de Nashville. Il a dit quand on donne un coup de pied dans une poubelle, il en sort très guitariste. Il y en a beaucoup de bons, en tout cas. Lundi Bordeaux, mardi Toulouse. Ils font quand même faire le beau, même si t'as le blues. Mercredi Rennes, ouais, faut pas qu'on se traîne. Sinon jeudi en matinée, je crois que c'est raté. Le 15, le Finistère, qui est l'anniversaire. C'est plus cool qu'un bonjour de Vesoul. Valet des sports, valet des foules. Une relâche à Angers, ce sera dodo la tournée. Valet des sports, valet des foules. Un peu de sommeil gratté au kilomètre de la tournée. Chambre de 27, vue sur la mer. Ne pas dire Angoulême, faut vraiment faire. J'ai bu hier un à 10 verres. Seuil granuleux à Saint-Jean-de-Luz et ma petite amie croit que je m'amuse. Vendredi fait son fleur, je n'ai pas pu dormir. Bonjour le marteau piqueur, ça fait plaisir. Mon lit ce sera ma tire, à couche d'or, à couche roule. Palais des sports, palais des foules. Chapiteau des pieds gelés, c'est pas toujours chaud la tournée. Palais des sports, palais des foules. Le tour du Saint tournée, trois petits tours s'en va la tournée. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve tout de suite les Sunday Rock. Avec un titre qu'on a diffusé déjà la semaine dernière, il me semble. Hein. Voici tout de suite Montpellier, avec une ressemblance avec Joue pas de rock'n'roll pour moi. Hein. Hier, j'ai pris des sentences à Montpellier. Je vais jusqu'au bout de la nuit. chantante à Montpellier. J'ai souri au bazar photographié. Album de la semaine, Drôle de métier, sorti en 1984. Et là, on va se calmer un petit peu, parce que ça a été assez rapide depuis le début de l'émission. On va écouter un titre, J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça, une reprise du superbe countryman, hein, Kenny Rogers. Un grand problème dans ma vie, c'est que les femmes, je les aime. La plupart des mecs sont misogynes. Moi, je suis pas. J'aime les femmes. D'où me viennent tous mes problèmes avec mes femmes. Une femme n'accepte pas d'être trompée. Puis les mecs comprennent pas. Les mecs se disent toujours, oui, les femmes à la maison. Puis nous, les mecs, on a le droit de tout faire. Moi, je comprends très bien que si un mec a le droit de faire quelque chose, une femme a le droit de faire quelque chose. Donc, je suis pas un macho. Mais c'est quand même difficile pour un mec de comprendre qu'une femme peut faire la même chose qu'un mec. La plupart du temps, les chansons que j'ai aimées ne sont pas des chansons qui ont marché en disque. Là, pour l'instant, les chansons que j'ai faites il y a plusieurs années ne sont pas obligatoirement les chansons que j'aime bien maintenant. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, que j'enregistrerai avec l'orchestre et des violons. J'aimerais souffrir encore comme ça. Allez, oh, j'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça. Comme du temps où de temps en temps t'étais là. Et entre nos déchirures, je regardais mes blessures. Et au moins je savais que t'étais pas bien loin. Oh, j'aimerais pouvoir encore souffrir demain. C'est une chanson que j'ai réenregistrée aujourd'hui, que j'ai rechantée en direct uniquement avec un pianiste. Je ne sais pas laquelle version je préfère. Peut-être que je préfère encore celle que je viens de faire avec juste un pianiste derrière moi. Il s'appelle Pig Robbins. Enfin, il n'y a pas une séance qui se passe à Nashville sans qu'il soit dedans. Et c'est un monsieur qui ne voit pas, c'est un monsieur qui est aveugle. Et c'est un monsieur qui se déplace tout seul. Il n'accepte absolument pas qu'on l'aide à se déplacer dans une pièce. Et puis, de toute façon, quand il est devant un piano, il a absolument besoin de personne pour le diriger. Oh, j'aimerais qu'on puisse repartir à la guerre. Même si je sais que chaque fois, je la perds. Quand tu me désertais, la solitude me tuait, plus sûrement que les jouets idiots de la haine. Oh, j'aimerais pouvoir souffrir comme hier. J'aimerais t'entendre me dire que tout ça doit finir, que c'est foutu. J'aimerais tant te voir partir comme tu l'as si souvent fait. Et au moins mes yeux te verraient t'en aller. Oh, j'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça, comme du temps où de temps en temps t'étais là. Et entre nos déchirures, je regardais mes blessures, et au moins je savais que t'étais pas bien loin. J'aimerais pouvoir encore souffrir demain. Vous avez pu entendre les deux versions, la version avec l'orchestre et la version uniquement piano-voix. Et Johnny hésitait, il ne savait pas à quelle version il allait mettre dans l'album Drôle de métier. Et en fait de compte, la version orchestrale, on la connaît sur l'album Drôle de métier. Et la version piano-voix, on la connaît sur l'album Les Enfants du Rock. Prochain titre qu'on va écouter, c'est le titre éponyme à l'album. Voici Drôle de métier, l'album de la semaine. Lundi 12h30, dehors il fait un froid de chien. Ma fille a pleuré cette nuit. J'ai encore le goût du café crème, j'ai froid aux mains. Sur les vitres pleure la pluie. Une cendre tombe, un camion donne un coup de frein. Je serais presque reparti. Le rétroviseur me joue du bleu turquoise pour rien. Mes yeux ne savent secrétaire s'est endormie entre deux mots. Tant mieux, plus besoin de parler. Je vais brouiller l'image, couper le son de ma radio. J'aurai même plus besoin de penser. Je vais rouler le plus longtemps possible sans mettre mes lumières. La nuit ne me verra pas venir. Je tombe, je peux bien m'arrêter, boire une bière, voir des gens normaux sourire. Drôle de métier, oui, drôle de métier. Et à des soirs où faut avoir le moral et le cœur bien accrochés. Non pas de prime de risque pour la déprime dans mon métier. Pas de cadeaux, pas de coups d'éponge. Mais comme un cheval aveugle poussé dans un terrain miné, tu fais un faux pas, tu plonges. Drôle de métier, les paroles de Johnny Hallyday et de Pierre Billon et la musique de Éric Bouade. À présent, on va arriver à un duo, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, qui se retrouvent pour ces fameux Sunday Rock et interprètent ensemble Mes 16 ans. Vous savez que Eddie m'a écrit une chanson, Mes 16 ans. Eh bien, qu'on va essayer ensemble. Feu. Le calypso par du square de la tribune. Pour sortir un disque d'une de 10 chansons, par exemple, j'en enregistre 30 de chansons et puis j'en jette 20. Sans doute que le jour où je mourrai, eh ben sans doute que ma maison de disque sortira. C'est normal, ils ont payé pour ça et ils les ont en réserve. Or, je pense qu'ils auront une sacrée réserve pour le jour où je crèverai. Johnny et Carl Perkins ensemble enregistrent Blue Sweatshoes. It's one for the money, two for the show. You get rid of that gold, can't go, but don't you never my blue suede. You can do anything, Billy Harbor, my blue suede shoes. Oh, you're gonna knock me down, trample my face, shout my name all over the place. Donc de Blue Suede Shoes, Carl Perkins et Johnny Hallyday. On retrouve tout de suite Johnny Hallyday dans l'émission Challenger avec un extrait, même carrément deux extraits de l'album de la semaine qui est Drôle de métier. Quand je reste à un endroit au bout d'une semaine, ça va plus. C'est comme la solitude. C'est quelque chose qui se vit pas obligatoirement tout seul. Quand on se retrouve des fois 20 personnes à un dîner, on se sent beaucoup plus seul, on est beaucoup plus solitaire. On peut être seul à deux, on est tous seuls, on meurt seul. Un artiste qui soit comédien, qui soit chanteur, ne peut pas être un artiste s'il n'a pas au fond de lui-même une espèce de solitude qui fait qu'il peut se retrancher dans cet esprit, dans son esprit, dans sa tête. Parce que c'est dans la tête qu'on est seul, pour pouvoir faire son métier, pour pouvoir écrire, pour pouvoir s'exprimer. Je crois que quand on fait un métier d'artiste, je parle, un métier de composition, un métier de rêve, on ne peut pas composer, on ne peut pas écrire, on ne peut pas s'exprimer si on n'est pas profondément seul dans la tête. On ne peut pas. Ta pile ou face, tu mets la paire et passe, t'es bourré d'ambition. Tu prends pas d'assurance, tu donnes ta confiance, en fait y a pas de raison. Petit, tu prends de la graine, t'attends pas que ça vienne, tu veux pas mourir con. Plein de marchands qui passent, des vendeurs de passe-passe qui t'envoient l'addition. Arrive là, t'es Julie, tu dis non pour dire oui, t'es devenu grand garçon. Dans ton cœur en marmelade, plus t'aimes, plus t'es malade, mais tu trouves ça si bon. À trop prendre les coups, on les oublie. Au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour, c'est les anges de vie. J'ai trop payé pour savoir, je suis à crédit. Et en échange, mon pourquoi. De paille, les amours en charbon. T'as des odeurs en mai qui font le meilleur effet le soir sur ton balcon. Mais le matin ça s'arrête, c'est comme les jours de fête, t'as la tête dans le béton. Reprendre les coups, on les oublie. Au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour, c'est les anges de vie. On est 10 000, des millions d'incompris. C'est rien que jour le jour qu'on. J'aime pas et je peux pas m'en passer. Quand je rentre chez moi et que je suis trop longtemps chez moi, je finis par tourner en cage, je tourne en rond et la vie ne me convient plus. Et moi j'ai besoin des tournées et j'ai besoin de me trouver dans une ambiance qui n'est pas ma chambre, qui n'est pas ma maison, pour pouvoir fonctionner. Et j'ai besoin d'être dépaysé. Et puis mes idées viennent comme ça. t'emmener à Nashville, là où je ne suis pas né, te montrer la vague qui brille du collège d'où j'ai pas été viré. Johnny de A à Z, d'ici sur RIG, la radio de Johnny, le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale, on va dire, album drôle du métier ou les enfants du rock, car c'est le sujet qui va suivre, justement, en janvier-février 84. Antoine Decaune est parti avec toute l'équipe, Johnny, Pierre Billon et tout ça, était parti à Nashville faire une petite interview, et Johnny rencontrait des stars de la musique rock et country, Emmylou Harris, Tony Joe White, Carl Perkins et les Stray Cats, et donc en même temps il donnait des interviews. Oui, donner une interview dans un honky tonk bar. On écoute tout de suite Johnny Hallyday et après on entendra les Anémones. Tu sais, de vivre ce qu'on fait tous les jours, de devoir tout le temps être show off, le côté caméra en tourne, clac, ça va, oui, alors tout va bien. Et de le vivre tout le temps, des fois c'est fatigant, et des fois t'as des coups de cafard, t'as des coups de déprime, t'as des coups qui vont pas, tu te réveilles le matin, t'es moins en forme qu'à l'autre matin, et puis t'as des obligations, t'as envie de dire merde à tout le monde, et puis t'as envie de te casser, comme fait Jerry Lee Lewis d'ailleurs qui est pas venu à la télévision, il a dû avoir la même chose, je le comprends très bien, il a dû se dire j'ai une obligation, ça me fait chier, je me casse, je viens pas. Et puis des fois j'ai envie de le faire, et puis je le fais pas. Je le fais pas parce que je trouve pas ça professionnel. Quand je dis que je faisais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Mais des fois c'est pesant, et puis des fois t'as le blues. Mais je suis pas le seul à avoir le blues, tout le monde a le blues. Autrement les chansons de blues n'existent pas, Nashville Blues n'existerait pas. La personne qui a écrit Nashville Blues, c'est bien quelqu'un qui a eu le blues. À Nashville, sans doute. Moi j'ai besoin de me faire rêver moi-même, j'ai besoin de me gamberger des histoires, j'ai besoin de croire à mes mensonges, j'ai besoin de croire aux choses qui existent pour arriver à faire croire aux gens, à les faire rêver, à faire croire aux gens ce que je leur raconte. Si je leur raconte des trucs que je ne crois pas à moi, comment tu veux qu'eux ils y croient? Même en étant bon comédien, je ne peux pas y arriver. Un jour où j'ai eu vraiment le cœur part, je me suis dit à mes 40 ans, je vais m'asseoir sur une chaise en face d'une porte. Je vais attacher un riot gun devant ma tête, avec une ficelle qui sera attachée à la poignée. Et puis la personne, qui sait, c'est le destin, la personne qui arrivera à la porte déclenchera la gâchette et me fera exploser la tête. Et je m'étais dit que ce serait ma façon à moi de me crever la tête. Tu veux aussi rentrer dans la légende? Oh, le plus tard possible quand même. Alors jusqu'à 45 ans. Le soir au golf ou au Johnny Mono. Oui, je suis bien dans ma vie, des années stéréo. Toi, tu as la nostalgie du temps des Johnny Mono. Toi, le danseur d'aujourd'hui, je le vois sur vidéo. Beaucoup de Français qui ont dit, moi je veux partir en Amérique, je veux partir ailleurs. Je les comprends. Moi je suis Français, je veux rester en France. Si je veux faire une carrière internationale, c'est parce que j'ai besoin de m'exprimer partout. Pour faire mon métier, j'ai besoin de rêver. Si je reste enfermé dans un endroit, je ne peux plus rêver. Je ne veux pas rester enfermé dans un cercle. Il s'en va, ne fait jamais de bruit. Et quand ça vous brise le cœur, rien n'y fait. Il faut s'incliner et se dire adieu sans haine. Surtout, ne pleurez pas un mot, pas un cri. Si tu la trouves là, dans les bras de ton meilleur ami, mon vieux, lorsque tout ça te brise le cœur. Lorsque s'envole ton rêve, à tout jamais détruit. Ouais, c'est comme une agonie, bien sûr, quand ça te brise le cœur. Dans le fond, l'amour est une chose. Ah, difficile à saisir. Il te fait tellement mal qu'il vaut mieux en finir. Et dans ces moments-là, croyez-moi, pas un mot, pas un cri. Johnny reprenait ce titre d'Elvis Presley, That's When Your Heartache Begins, adapté par Jean Jabert et Johnny Hallyday en même temps. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. 1984, on retrouve les Sunday Rock. Chanter est mon métier. Alors maintenant, chanter, c'est pas obligatoirement chanter mes chansons, c'est les chansons des autres aussi. Et moi, de chanter une chanson en anglais de Bachung, c'est mon métier, comme de chanter une chanson de Elvis ou de quelqu'un d'autre. Mon métier, c'est de chanter. C'est pas de chanter que des chansons que moi, je crée. Ça va, là? Ça va bien. Dis-moi, est-ce que tu vas faire un spectacle à Paris bientôt? Oui, au mois d'octobre. Ah, où ça? Je sais pas encore où. En même temps que moi, alors? Mais il y a des chances, oui. Tu pars pas en tournée avant ton spectacle à Paris? Je pense pas, non. Bon. Je serai en studio, je serai dans le noir et tout. Bah écoute, alors si tu fais le spectacle en même temps que moi, on va essayer de pas avoir les mêmes horaires, de façon à ce que moi je vienne voir ton spectacle et qu'on se retrouve, oui. Bah, ouais. Chanter une chanson peut-être ensemble un jour, une chanson que j'espère bien. Si on va chanter maintenant. Alors moi, j'ai fait une tentative. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui. Tu la chantes en français? Bon, du. Moi, je chante une partie en anglais. D'accord. D'accord. Parce qu'on ne se connaît pas très bien, hein. on s'est rencontré deux fois, mais j'ai voulu chanter cette chanson parce que c'est vraiment une chanson que j'adore. Là. C'est con qu'il n'y ait pas la couleur. Merci Bachung. Merci Johnny. Johnny Hallyday et Alain Bachung lors des Sunday Rock, c'était en 1984, été 1984, et Johnny et Alain Bachung se retrouvaient en 1989 pour interpréter, il me semble que c'était Bebop Olula, c'était pour la fête de Canal+, je ne sais plus exactement, vous allez me dire ça sur Facebook, c'était la fête de la musique, il me semble, un truc comme ça. L'album de la semaine aujourd'hui, c'est Drôle de métier, sorti en 1984, et on retrouve Johnny Hallyday avec une fois une interview donc de l'émission Les Enfants du Rock, hein, avec Go Johnny Go, et juste après nous aurons Génération Banlieue. Wow. Bah, un de mes rêves, c'était de chanter avec les gens avec qui j'ai chanté dans cette émission. Ça s'est réalisé. Le seul rêve que je ne pourrais jamais réaliser, c'est de chanter avec Elvis. Malheureusement, c'est le bâtard. Ça a l'air compromis, mais... Sérieusement. Ben, j'ai le trac, oui. Et puis surtout, en plus, je dois dire aussi que là, j'ai chanté avec les gens que j'aime depuis 25 ans. Carl Perkins. Le trac est sévère, hein. Carl Perkins, pour moi, c'est quand même... Il sait que j'ai connu la version de Blue Suede Shoes par Carl Perkins avant celle de Presley. Alors pour moi, c'est quand même... pour moi, chanter avec Carl Perkins, c'est quand même... C'est comme chanter avec Presley. Je suis né en 1968. J'ai 16 ans. Et je suis pas bien dans ma peau. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et pour une dernière fois, on va retrouver les Sunday Rock. Ready to play, Le concert a été coupé, Johnny, lors de la dernière émission des Sons de Rock. Il a donné un concert devant plus de 120 personnes, uniquement 120 personnes, un concert de 2 heures, 2 heures et demie. On parle même de 3 heures de concert. Et donc, c'était enregistré de mai à juin 84 pour être après diffusé sur Radio RTL de juillet à août jusqu'à début septembre. Et donc, tout ce concert a été morcelé au fur et à mesure pour les émissions. Voilà ce qu'on peut dire sur les fameux Sons de Rock que je suis en train de vous préparer là. Allez, on va revenir à un nouvel extrait donc de l'album de la semaine qui est Drôle de Métier, sorti, on va dire, le petit coffret avec Drôle de Métier et Les Enfants du Rock. Voici le titre qu'on va écouter dans quelques secondes, J'ai du sentiment pour toi, mais on retrouve Johnny sur RTL dans l'émission Challenger. Et moi, un jour, quand j'ai commencé à chanter, j'ai rencontré Maurice Chevalier qui m'a dit une chose dont je me suis toujours rappelé, je m'en rappellerai jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'au jour où je déciderai d'arrêter de faire ce métier. Il m'a dit, mon petit, parce qu'il m'appelait mon petit, j'avais 14 ans, il m'a dit, dans ce métier, ce qui est important, c'est ton entrée sur scène et ta sortie. Au milieu, tu peux péter dans le micro, les gens s'en foutent. Trouve ton entrée, trouve ta sortie, il n'y a que ça qui impressionne les gens. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. De la pointe de mes cheveux jusqu'à la pointe de mes bottes, oui, j'ai du sentiment pour toi. Je te jure tout ce que tu veux, même sur la tête de mes potes. Oui, j'ai du sentiment pour toi. Oh, j'ai du sentiment pour toi. Le flash te donne en tas. Du turquoise de mes yeux jusqu'au glaçon dans ma flotte. Oui, j'ai du sentiment pour toi. Je veux bien jouer à ton jeu si tu t'aiguises en jackpot. Oui, j'ai du sentiment pour toi. J'ai du sentiment pour toi, le flash te donne en tas. Oui, j'ai du sentiment pour toi, oui, c'est fou, c'est fou, c'est tout ce qui ne te raconte pas. Oui, j'ai du sentiment pour toi, j'explose, un témoin garde comme ça. Tu es comme un jet en feu qui aurait perdu son pilote. Oui, j'ai du sentiment pour toi. Sentiment pour toi. Oh, j'ai du sentiment pour toi. T'en feras ce que tu voudras. Oui, j'ai du sentiment pour toi. Oui, c'est bon, c'est con. C'est mon problème et pas le tien. Oui, j'ai du sentiment pour toi. Je t'aime. C'est pas un mot qui me vient. À présent, on va retrouver un excellent duo, très roots, Johnny Hallyday et Tony Joe White sur Polk Saladani. Un titre que Tony Joe White avait écrit en 1969 pour Elvis Presley. And we're going to have a really good version of Polk Saladini together. I follow you. All right. Hola. Oh. girl ain't never been down south. We're gonna tell you about it one more time. Don't you understand what we're talking about? And down here we got a plant. Looks something like a turnip green. Except it ain't. Everybody calls it poke salad. That's poke salad. Now you know a girl lived down there. She'd go out in the innings and pick her a little bit of it. Carry it home and cook it for supper. And if she had any leftovers, she'd hang it out on her clothesline. Dry it out, smoke it. But she did all right. Well, I said it down in Louisiana, where the alligators go so mean. They'll leave the girl, but I swear to the world, made the alligators look tame. Pork salad, honey. Pork salad, honey. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on a chain gang. I mean, vicious women. Yeah. Daddy was a lazy and no count. Claimed he had a bad back. Now all her brothers were fit for stealing watermelons out of my truck. That's pork salad, Annie. The gator got you grinding. Everybody said it was a shame, 'cause her mama wasn't working on a chain gang. A wretched, spiteful, straight razor toting woman. Here's a bear. Supper time, she'd go down by the truck patch, pick her mess of pork salad, carry it home in a pork salad. Pork salad. The kid got your granny. Chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a working on a chain gang. Talk a little poke salad to me. Yeah. Know I need me a mess of it. Suck a little. I suck a little. Suck a little. We'll suck a little. Poke salad, honey. Poke salad, honey. Yeah. The kid'll get your granny. M'appelle l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Plus d'une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Et dans la nuit je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser, et le spectacle terminé, et s'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie, et combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Dernier extrait de cet album, de ce coffret Nashville 84, incluant donc Les Enfants du Rock et l'album de la semaine, Drôle de Métier. On retrouvait en parolier dans cet album Drôle de Métier, Pierre Billon, Johnny Hallyday, Claude Lemel, Serge Loupiens, Long Chris qui faisait sur cet album ses dernières adaptations ou dernières compositions, enfin de moins, écriture. Nous avions Bob Descoux, Éric Bouet et Georges Haber. Point de vue musique, on retrouvait Éric Boide, Éric Bamy, bien sûr, Bruno Victoire et Pierre Billon également. Donc cet album a été enregistré de mars 1983 à janvier 1984 au studio de Nashville Sound Emporium et Fanta Pro Service. L'ingénieur du son était Charlie Talent et la réalisation était de Pierre Billon. On retrouve un nouvel extrait de l'émission Challenger, c'était sur RTL, présenté par Julien Lepers. Maintenant vie, c'est ça. Ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est de faire rêver les gens. D'abord, pour faire rêver les gens, il faut que je me fasse rêver moi-même. Le jour où je me ferai plus rêver moi, c'est que je pourrai plus faire rêver les autres. Il faut que je puisse rêver. Il faut que je puisse penser que ce que je rêve pourrait m'arriver. Quand j'y arrive, j'essaye de le faire croire aux gens. C'est ça mon métier. J'ai pas genre à garder la peau rose. J'ai pas le profil du fanatique de slow à l'autre rose. C'est pas vraiment tout à fait mon style. Ouais, j'ai pas genre envoyer la guimauve. Les chansons si roses. Ça me met le moral à zéro. Moi j'aime la musique qui tape du pied quand elle fait. Chaque fois que j'ai fini quelque chose, on n'a jamais fini quelque chose de toute façon, mais chaque fois que j'ai fait quelque chose, je l'oublie, je passe dessus, je ne veux pas stagner, je ne veux pas rester sur ce que j'ai fait. Ou alors c'est la mort d'un artiste. Et Nashville est un bon tremplin pour ça? Bon, Nashville fait partie des rêves d'enfance que j'ai eus. Je rêve ici, ça me permet de rêver et ça me permet d'aller dans mes rêves. Mon Amérique. S'appelait oui mon Amérique et moi Challenger. On retrouve les Stray Cats et Johnny. Papa done told me too. Son, that gal you're fooling with, she ain't no good for you. Ooh, that's alright. That's alright. That's alright now, mama. Anyway, you do. Come on, play it one time now. Let go. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On va terminer cette émission avec Johnny Hallyday au Zénith en 1984 avec un titre qui n'est jamais sorti en CD, ni en cassette. Aussi une cassette vidéo, oui, mais pas en cassette, ni sur vinyle, ni sur CD. C'est le titre là que vous entendez. Ça me dit quelque chose ? On le retrouve uniquement sur la cassette vidéo ou à la rigueur sur le DVD du Zénith 84. C'est le titre Gabriel. Vous voyez qui je veux dire ? Vous voyez qui je veux dire ? esprit, ton amour est tout dans ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Entendre la vie et le plume souffler sous tes cris. Dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu lâches mon sang. Et je veux t'expliquer, tout enfant, où est le jour et l'année. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'en fais. Je ne serai plus l'esclave de ta chair. Les ans de chaîne sont par le jour. L'été m'appelle face à de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Voici le dernier titre de cette soirée spéciale, album de la semaine, Drôle de métier, avec le titre principal, on va dire, le titre qui se détache de l'album et qui est l'album, le titre commercial, c'est Mon Petit Loup, vous l'avez reconnu. Et pourtant cet album Drôle de métier, il est très très bon. Et ce coffret, l'AGV 84, est très très bon également. Et il suffira toi. Mais non, c'est pas fini. Mais non, mais non. Cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Drôle de métier, puis aussi on a eu plein de trucs, l'émission Challenger Mon Amérique à moi de RTL, nous avons aussi des extraits de Les Enfants du Rock de Antenne 2. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission et merci encore de votre présence chaque semaine. Bonne nuit à toutes et à tous, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt, ciao ciao. Oh, la marche, c'est vraiment toujours de l'exo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.